de électricité. C'est pourquoi les lyophiles ils sourient quand il y a des éclairs? Parce qu'ils pensent qu'ils se font photographier. Thank you. Thank you.